Le mercredi 3 mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. De nouvelles révélations sur le financement du Parti libéral du Québec mettent le gouvernement dans l'embarras. La responsable du financement sous l'ère Charest, Mme Violette Trépanier, n'aurait pas dit toute la vérité il y a 3 ans lors de son passage devant la commission Charbonneau. C'est du moins ce que révèle une enquête du Journal de Québec. Plusieurs courriels laissent entendre que Mme Trépanier avait une influence auprès des cabinets politiques et qu'elle jouait un rôle dans la nomination à des conseils d'administration de sociétés d'État. Le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, n'a pas caché son impatience en évoquant un acharnement journalistique. Dans l'opposition, le Parti québécois a suggéré d'ouvrir une enquête pour parjure, tandis que la coalition Avenir Québec demande des vérifications sur de possibles nominations partisanes dans l'appareil public. À Saint-Augustin-de-Desmaures, le centre communautaire Jean-Marie Roy pourrait être démoli en dépit des rénovations à grands frais effectuées par la précédente administration. Le maire Sylvain Junot souhaite se départir de l'édifice qui ne répond pas aux normes de la régie du bâtiment. Une 20aine d'avis de non-conformité lui ont déjà été transmis et la ville s'expose à des amendes. Mais le seul promoteur à s'être manifesté, propose la démolition de l'édifice, une option que le maire Junot ne peut écarter à ce jour. Rappelons que l'ancien maire Marcel Corriveau avait investi 19 millions de dollars dans cette infrastructure, notamment pour la doter d'une nouvelle salle de spectacle. On aura bientôt une idée précise de la cuisine de rue qui va envahir la ville de Québec dès le 15 juin prochain. Le comité exécutif de la ville doit entériner aujourd'hui les restaurateurs qui prendront part au projet pilote. Le jury, dirigé par le chef Jean Soulard, a reçu une 15aine de propositions dont une majorité a été retenue. Selon M. Soulard, l'objectif de la sélection était de donner une signature locale à l'offre de Québec. La nourriture des camions de rue devrait ainsi offrir un certain raffinement, loin du stéréotype des roulottes à patates. Enfin, le réseau social Facebook prend les grands moyens pour lutter contre les propos haineux et la violence diffusés par certains de ses usagers. Le fondateur Mark Zuckerberg a indiqué que 3000 personnes seraient embauchées pour filtrer les contenus diffusés. Cette annonce survient après que plusieurs drames diffusés en direct depuis l'apparition du service Facebook Live aient choqué de nombreux internautes. Des cas de meurtre et de suicide en direct ont notamment été répertoriés. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est généralement nuageux aujourd'hui à Québec avec des vents d'ouest de 20 km/h et rafales à 40. Le maximum cet après-midi sera de 11 degrés. Ça se dégage en fin de journée. Demain jeudi, ce sera du soleil avec 13 degrés et on va en profiter puisque ce sera par la suite le retour de la pluie et des averses qui sont prévues vendredi, samedi et même dimanche. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. On a 8 degrés.